Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, le hareng. On pense à peu près tout savoir sur les déclinaisons du hareng. Frais, fumé, salé, sort, bec et j'en passe. Mais avant qu'il ne finisse en boîte dans un tonneau ou en marinade, penchons-nous sur la vie et les mœurs de ce poisson qui est à l'origine d'un grand mystère auquel ont été confrontés les oreilles d'or, ces sous-mariniers militaires chargés d'écouter les bruits de la mer. Notre hareng, joli poisson au corps argenté, parfois comprimé latéralement, écaille petite et caduque, queue fourchue, petite bouche, vit en banc dans différentes mers. On le trouve par exemple dans l'Atlantique Nord ou dans la mer Baltique. Jamais très loin des côtes, il préfère aller dans les profondeurs en journée, mais aime remonter à la surface de l'eau lorsque la nuit s'installe. C'est aussi près de la surface de l'eau que le hareng choisit de se reproduire en très grand nombre dans une excitation fébrile. Des ébats qui ont passionné Jules Michelet au point d'écrire en 1861 dans son livre La mer ceci. Des profondeurs à la surface, un monde vivant vient de monter suivant l'attrait de la chaleur, du désir et la lumière. Celle de la lune pâle, rassurant fanal qui semble les enhardir à une grande fête de l'amour. Ils montent tous ensemble, pas un ne reste en arrière. Ensemble, ils viennent au printemps prendre leur petite part du bonheur universel, voir le jour, jouir et mourir. Michelet aurait pu ajouter que cette grande scène d'amour collectif se passait au milieu d'un tourbillon de bulles. Des millions de bulles sonores, longs chapelets produits par les harengs lorsqu'ils viennent aspirer l'air en surface afin de gonfler leurs vessies natatoires. De l'air qu'ils choisissent délibérément de faire sortir par un canal pneumatique situé près de l'anus. Le rôle de ces sons n'est pas connu de façon certaine. On a avancé qu'ils pouvaient distraire les prédateurs, comme les orques par exemple, ou qu'ils pouvaient aider les poissons à se retrouver après la dispersion des bancs. Mais revenons-en à nos oreilles d'or, écoutant les sons des océans du fond de leurs sous-marins. Nous sommes dans les années 60, en pleine guerre froide, au cœur de la mer Baltique, et voilà maintenant 2 ans que les militaires suédois travaillent d'arrache-pied à décrypter un bruit dit « blanc » perçu dans l'eau, un crachouillis qui active toutes les fréquences possibles avec la même intensité et surtout qui peut servir de masquage au déplacement des sous-marins, soviétiques en l'occurrence. Leurs recherches ne mènent à rien et malgré tout leurs hydrophones, ils ne trouvent aucune trace d'un sous-marin espion. Jusqu'à ce qu'en désespoir de cause, ils finissent par contacter des biologistes qui, eux aussi, travaillent sur les sons de la mer. C'est alors qu'ils apprennent que ce bruit blanc correspond en fait à des milliers de harengs en pleine parade amoureuse, extatique et sonore. Un son bien éloigné des réalités de la guerre. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay avec la complicité de Jean-Paul Lagardère et d'Éric Parmentier de l'Université de Liège et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.